bougez. Allez, tout mes gars. Tout mes gars. Tout mes gars. Je voulais écouter quelqu'un là-bas en train de dire Dio Dio, si Baba Twende, quoi Baba? Ah Dio Dio Dio Dio, si Baba Twende, si Baba Twende, tu crois. Je l'écoute pas. Je voulais écouter. Je voulais écouter quelqu'un en train de dire Ah Dio Dio Dio Dio, si Baba Twende, si Baba Twende. Allez,

ta voix. Bénis ce Dieu qui est fidèle. Bénis ce Dieu qui est fidèle, qui Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu kabisa. Oh, il est fidèle. Sika ni mwaminifu. Il est magnifique. Mwema kabisa. Sois élevé, Seigneur. Uinuliwe tena Bwana. Sois élevé. Hakika uinuliwe tena Yesu. Yako ante kuabudu Bwana. Je bénis ton amour pour nous. Sois élevé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux l'acclamer encore. Oh, vous chantiez tena. Tu peux l'acclamer encore. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Oh, tu peux l'acclamer encore. Tu tena kabisa. Le dernier dimanche d'avril. Tu veux l'amour sur la acclame-le. Chantiez. Tu sais qu'il a fait au mois d'avril. Elle fait un maïs d'ailleurs. Acclame-le. Vous chantiez. Tu as gardé sur la route. Amen.

que même la dernière partie de la paix qui lui restait est partie. Oh, tu es là ce matin. Tu as besoin d'une bonne nouvelle. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Tout ce qui est dans ta vie travaille pour t'arracher la paix. Tes amis travaillent pour t'arracher la paix. La famille travaille pour t'arracher la paix. Les circonstances travaillent pour t'arracher la paix. Il y a quelqu'un. Il est le prince de la paix. La première chose, quand il vient dans la vie de quelqu'un, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire. Jésus est ressuscité. La première chose, quand il vient dans la vie de quelqu'un, ce matin, la première chose, si tu donnes ton cœur au Seigneur, la première chose, si tu te donnes au Seigneur, c'est qu'il mette dans ton cœur, qu'il mette dans ta vie la paix, la paix, la paix. Que les circonstances extérieures n'arrachent pas la paix. Il n'avait pas de paix à cause des circonstances extérieures. Il n'avait pas de paix à cause de la crainte de Juif. Mais il fallait que quelqu'un mette quelque chose à l'intérieur capable de vaincre l'extérieur. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce matin, Jésus veut mettre en toi la paix capable de vaincre toutes les guerres extérieures. Oh, si on parle de la paix, c'est qu'il y avait la guerre. Plusieurs personnes sont en état de guerre, même si elles ne disent pas. Tous les jours, c'est la guerre. Ce n'est pas seulement à l'Est. La guerre est dans nos cœurs. Pour manger, c'est la guerre. Pour s'habiller, c'est la guerre. Pour payer les études des enfants, c'est la guerre. Pour regarder l'avenir, c'est la guerre. Ce matin, tu as besoin de la paix qui doit commencer à l'intérieur de toi. Et la seule personne capable de donner cette paix qui commence à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est ressuscité pour donner la paix. Je prie ce matin. Tout c'est lui. Les circonstances sont en train de les détruire. De les détruire. Tout c'est lui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin, reçois la paix au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Recevez la paix. Recevez la paix. Et les disciples étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. La deuxième chose, Jésus leur montre les mains. Jésus montre ses mains. Et dit, voici. Les mains où on avait mis des coups. Voici. Voici les marques des coups. Jésus enlève. Regardez. Les côtes où on avait mis l'épée. Même quand Thomas est venu, Jésus a repris la même chose. Il n'a pas seulement parlé. Il a montré les mains. Il a montré les côtes. Oh bien-aimé, Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Les blessures. Que les hommes ont fait sur le corps de Jésus-Christ ne sont pas restés éternels. Elles ont cicatrisé. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui est blessé, que les hommes ont blessé, que les situations de la vie ont blessé. Tu me suis ce matin. Tu dis mon cœur est blessé, il saigne. Ma vie est blessée, elle saigne. Oh, je vais te dire une bonne nouvelle. Les blessures de Jésus ont cicatrisé. Ils ont cicatrisé. Je prie ce matin. Le Dieu qui en 3 jours a cicatrisé les blessures de Jésus. Je prie ce matin que toute blessure que tu connais dans ta vie, que toute blessure qui est dans ta maison, que toute blessure que les hommes ont créée, que toute blessure, même toi-même que tu as créée, oh, ce matin, ma prière est que ces blessures soient cicatrisées. J'ai dit à quelqu'un, les blessures de nos vies ne sont pas éternelles. Les blessures de ta vie ne sont pas éternelles. Les blessures de ton enfance ne sont pas éternelles. Les blessures de ta jeunesse ne sont pas éternelles. Les blessures que tu as au travail ne seront pas éternelles. Les blessures que tu as dans la vie ne seront pas éternelles. Aujourd'hui, Jéhovah est là. Jésus est ressuscité pour guérir les blessures. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Je dis à quelqu'un, ce matin, reçois la guérison de toutes les blessures de ta vie au nom de Jésus. Les blessures visibles, les blessures invisibles, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, vous les regardez de visage, mais les cœurs sont blessés. Blessés. Blessés. Blessés. Quand il parle de quelqu'un, le cœur commence à saigner. Quand il parle d'un événement, le cœur commence à saigner. Oh bien-aimé, il y a même des hommes qui prennent du plaisir à blesser les gens, à poignarder les gens. Oh bien-aimé, Jésus a montré les marques des blessures. Les blessures étaient déjà cicatrisées. Frères et sœurs, ce matin, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Nous voulons commencer un nouveau mois. Ma prière ce matin, avec ce premier miracle, que Jésus-Christ puisse cicatriser toutes les blessures que les hommes ont créées dans ta vie. Parfois nous-mêmes, nous nous blessons nous-mêmes. Nous nous blessons nous-mêmes. Nous doutons de nous-mêmes. Oh bien-aimé, que le Seigneur fasse grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu connaît ton cœur. C'est comme ça que Jésus est parti. Pierre ne parlait pas. Personne ne parlait. Mais Jésus leur a dit, regardez mes mains. Elles ont été blessées, mais ont été guéries. Frères et sœurs, tes mains ont été blessées, elles seront guéries. Ton corps a été blessé, il sera guéri. Ta vie a été blessée, elle sera guérie. Il dit, regardez, les mains, c'est ce qui est de visible. Les mains, on les utilise pour travailler. Les mains, on les utilise pour saluer les gens. Il y a des relations qui ont été blessées. Ce matin, reçois la guérison dans ces relations. Il y a le travail qui a été blessé. Ce matin, reçois la guérison dans le travail au nom de Jésus de Nazareth. Et puis il a montré les côtés. C'est ce qui est caché. Ce qui est caché sous nos vestes. C'est caché sous nos vestes. Frères et sœurs, il y a des choses que tu caches aux hommes, mais qui t'ont déjà blessé. Ma prière ce matin, reçois la guérison au nom de Jésus. Des choses que ton mari ne connaît pas, que ta femme ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas, que les voisins ne connaissent pas, que tes parents ne connaissent pas, mais ce sont des choses de l'intérieur. Ma prière ce matin, avec la résurrection de Jésus-Christ, reçois la guérison de ces blessures au nom de Jésus. Alléluia. Il est venu, il est ressuscité pour guérir les désespérés. Il y a quelqu'un qui a perdu tout espoir. Il s'est enfermé. S'enfermer signifie aussi se replier sur soi-même. Regardez dans l'église. Regardez dans les familles. Regardez dans ce monde. Il y a des gens, à cause de problèmes, ils s'enferment sur eux-mêmes. Le monde les enferme dans un ghetto. Ils s'enferment eux-mêmes dans un ghetto. Ils sont sûrs que ça ne changera jamais. Ils sont sûrs, de façon avec mes problèmes, qui peut m'écouter encore? Qui peut me faire encore du bien? Qui peut me faire encore confiance? Qui peut me faire encore confiance? C'est quoi l'évangile finalement? J'étais les trois jours ici, j'étais à l'extérieur. Quelqu'un m'appelle. Alors je réponds, je dis ceci. Mon frère, propose-moi une solution. Pour cette personne-là, qu'on l'achève ou qu'on se batte ensemble pour lui donner la vie. Oh, frères et sœurs, il y a des gens, eux-mêmes savent. Dieu a placé en nous la conscience. Nous nous replions sur nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un ancien. Ce n'est même pas un ange. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui veut aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des guérisons qui doivent se faire. Des guérisons qu'on voit. Même des guérisons qu'on ne voit pas. Alléluia. Regardez. Les blessures de la main. C'était avec des clous. Les blessures visibles se sont faites ou ont été faites avec des clous. Quelle est la dimension maximale d'un clou? Le diamètre, le clou le plus grand. Le diamètre de combien? Le clou le plus grand, quel diamètre? Ou la vis la plus grande? Diamètre, c'est combien? Ça ne dépasse pas 5 mm. Le diamètre. Ça peut dépasser 10 mm. Ça dépasse 10 mm. 20? Ok, prenons 20. Ok, ici, on me dit que le clou le plus grand peut aller jusqu'à 20 mm de diamètre. Je parle de diamètre. On peut mesurer avec papa qui enseigne un pied à coulisse pour avoir la mesure exacte. Donc on a fixé bien, on a bamba, on a fait bien. Voilà. Donc diamètre maximum 20 mm. C'est encore petit. Donc les blessures visibles sont des petites blessures. Les blessures visibles, on les fait avec des petites choses. Et beaucoup de gens, ils ont des blessures visibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que je comprends, c'est que ces blessures visibles sont faites avec des petites choses. Et d'un diamètre maximum de 20. C'est des blessures visibles. C'est comme ça qu'il a dit à Thomas. Avance ton doigt. Thomas dit, je dois avancer, maître. Regarde. Mais les blessures invisibles, ce n'était pas avec les clous. C'était avec des épées. C'était avec une épée. Avec une épée. Une épée est plus large qu'un clou. Je comprends. D'ailleurs, Jésus lui a dit, ici dans les mains, il dit ton doigt. Dans les côtés, il dit ta main. Il y a des gens, les grandes blessures, ce sont les blessures que les hommes ne voient pas. Ce sont les blessures que les hommes ne voient pas. Et ce sont les blessures qui détruisent plus. Qui détruisent plus. Ce sont des blessures si tu es seul. Dans l'église, tu pries, les larmes commencent à couler. Ce sont des blessures si tu entends un nom dans tes oreilles. Ou est-ce qu'il y a un fourmillement dans le corps? Ce sont ces blessures-là. Mais la bonne nouvelle, que ce soit les blessures visibles, que ce soit les blessures invisibles, Jésus-Christ ressuscité, il dit que tes blessures ne seront pas éternelles. Et aujourd'hui, ma prière est que le Dieu que je sers, Jéhovah, puisse guérir toutes les blessures de ta vie, créées par des clous ou créées par des épées. Les clous, c'est un homme qui prend un marteau et qui commence à taper. Mais l'épée, la Bible dit l'épée, c'est la parole. Donc il y a des gens qui ont des blessures qui sont créées par des paroles. Attention, faites attention, vos paroles sont capables de blesser les gens. Combien de gens aujourd'hui sont blessés avec des paroles? Les paroles blessent plus que les clous. Vrai ou faux? Les paroles blessent plus que les gifles. Gifles tapita. Mais la parole reste. Reste. Comme ça, on dit non. Jésus avait dit, après 3 jours, une parole prononcée, elle est suspendue, elle est tenue par des esprits jusqu'à son accomplissement. Et Thomas a dit, non Seigneur, pardonne-moi. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus ressuscité, il nous amène à une autre dimension. Désormais, la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Avant, c'est Jésus qui faisait les pains, tout ça. Croire ou pas, il n'y avait pas de problème. Mais désormais, frères et sœurs, tu seras heureux. Tu vas vivre des miracles si tu crois à la parole de Dieu. Si tu crois dans tout ce que Dieu a dit, si tu crois dans tout ce que les Écritures ont dit. Frères et sœurs, maintenant, tu seras heureux si tu crois. Si tu crois, alors tu seras heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux? Parce que je ne crois pas. Pourquoi mes problèmes ne se terminent pas? Parce que je ne crois pas. Tu seras heureux si tu crois. Tu seras heureux. Oh, ce matin, tu seras heureux. La Bible nous dit, je suis dans Matthieu chapitre 5, je conclue par là, on va prier. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, à partir du verset 2, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 1. 2. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 9. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et puis ici, il ajoute 10. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus ressuscité, il ajoute une dimension qui va te donner de la joie, plus que toutes les joies. Ce matin, heureux, c'est lui qui va croire les choses que Dieu a dites sur sa vie. Nous nous tenons debout. Nous voulons prier. Deux sujets de prière. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es.